sais, la basilique de Saint-Denis accueille les sépultures de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. Construite sur la tombe de Saint-Denis, évêque missionnaire mort vers 250, la basilique cathédrale est bien plus, puisqu'elle est un gigantesque cimetière, cimetière qui dépasse les limites de l'édifice pour s'étendre sous son parvis et peut-être au-delà. Après Notre-Dame, une fois n'est pas coutume, une vaste fouille est orchestrée par le Bureau du patrimoine archéologique du département de la Seine-Saint-Denis, l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis et l'INRAP. Rendez-vous a donc été pris avec Yvan Lafarge, archéologue du département et responsable du chantier, et Cyril Leforestier, anthropologue à l'INRAP, afin de découvrir quelques 200 sépultures en cours de fouille. On est là pour faire la fouille préalable à la consolidation du massif occidental de Saint-Denis, qui est lui-même le préalable à la reconstruction de la flèche démontée en 1847 par François Debray et Eugène Viollet-le-Duc. Alors tout commence donc par une sorte de coup de foudre. C'est ça, c'est un peu le coup de foudre fatal qui a lieu en juin 1836, qui provoque en fait sur cet édifice vieux de 6 siècles. Un certain nombre de fissurations très actives, si actives que le sonneur d'orgue qui loge dans la chapelle Saint-Barthélemy du nord du massif occidental s'en inquiète et voit tomber des petits morceaux de pierre tous les jours sur son lit, et qui en fait va donc provoquer un premier chantier qui dure une dizaine d'années sous l'égide de François Debray, architecte en charge de la basilique, pour la consolidation et la réparation, dans un premier temps, de cette flèche foudroyée en 1836 lors d'une tempête. Et elle ne sera jamais reconstruite ? Jamais. C'est-à-dire que Debray s'acharne pendant donc une dizaine d'années. Il répare, mais il répare à droite et ça se fissure à gauche. Donc finalement, il décide en désespoir de cause, au bout d'une dizaine d'années, de procéder autrement, c'est-à-dire de tout démonter pour pouvoir tout remonter ensuite, de manière à avoir quelque chose de plus sain. Les pierres sont vendues, c'est bien ça ? Alors, l'histoire des pierres de la flèche de Saint-Denis, c'est une longue et complexe histoire. C'est-à-dire que Debray, en 1846, quand il décide de passer au démontage-remontage, c'est aussi le moment où il va céder la place à Viollet-le-Duc, qui va reprendre la charge d'architecte de la basilique de Saint-Denis et donc de la flèche. Il fait ce démontage et du coup, il fait du Viollet-le-Duc, c'est-à-dire il conserve une partie des pierres, mais il ne conserve pas tout, il en balance, pardonnez-moi le terme, mais c'est quasiment ça, à droite et à gauche. Il en réutilise dans les différents travaux qu'il fait également à droite et à gauche, et notamment dans la basilique de Saint-Denis. Il en vend un petit peu, parce que parfois, il n'a pas besoin de pierres, mais par exemple de métal ou de verre, donc il en vend un petit peu. Et résultat, il n'en reste aujourd'hui de conserver que un nombre tout à fait ridicule. Et cette flèche va donc être reconstruite ? Alors, elle va être reconstruite parce que, malgré tout, Viollet-le-Duc était quand même un archéologue pour son temps. Et en démontant la flèche, il a fait des relevés, non pas assise par assise, mais en tout cas à chaque niveau significatif, il a fait des relevés de l'ensemble de la rase, qui permet en fait de restituer de façon assez précise la volumétrie et donc la stéréotomie qui va être nécessaire à la reconstruction. Les flèches, il y a bien sûr celle de Notre-Dame, il y a aussi bien sûr désormais celle de la basilique de Saint-Denis. Reste que la flèche, elle est tout en haut, donc pourquoi vous fouillez tout en bas ? Bah, exactement comme dans la Black Belge, c'est-à-dire qu'en fait pour charger en haut, il faut consolider en bas. Donc consolider en bas, ça veut dire reprendre les fondations. Et reprendre les fondations dans un site comme Saint-Denis, c'est nécessairement de la fouille archéologique, puisque évidemment on est dans un site extrêmement riche, dense et important. Les fouilles dans la basilique, c'est bien sûr les années 50, Michel Fleury et la découverte de quelques reines. Oui, bien sûr. Alors, Michel Fleury, malgré tout le respect que je lui dois, n'est pas le seul. Déjà, avant Fleury, il y a eu Crosby, qui est quand même professeur à l'université de Yale. On est bien peu de choses. Alors lui, dans un premier temps, il a dégagé, à la suite de Viollet-le-Duc, les fondations des murs de l'église carolingienne et des travaux de Sugère. Donc, on a grâce à Crosby, une connaissance de l'église de Sugère qui est finalement relativement fine. Crosby est revenu à partir de 1959 et effectivement a fouillé sous la nef, donc entre les sondages de Crosby, pour essentiellement trouver les tombes royales inhumées à Saint-Denis. Et c'est là, effectivement, qu'il a trouvé une certaine reine, le sarcophage 49, à Régonde, qui était la deuxième femme de Clotaire, je ne sais plus. En tout cas, morte autour de 580, c'est-à-dire à la fin du VIe siècle. Et c'est ce que disait déjà d'ailleurs Crosby, c'est l'assurance que avant Dagobert, on a déjà une tradition d'inhumation royale associée à Saint-Denis. Les tombes royales, elles sont près de la nef. Ici, nous sommes dans quelle partie ? Alors, les tombes royales, effectivement, sont près du chœur, plus que près de la nef, en fait, puisque c'est des inhumations ad sanctos, c'est au plus proche du Saint des Saints. Ici, on est un petit peu loin, on est à l'autre extrémité de l'église, le massif occidental. Et pourtant, on a quand même déjà ou encore, des inhumations de rang aristocratique, en tout cas dans la première phase d'inhumation. À la fin du 5e siècle, on a des sarcophages un petit peu exceptionnels, avec des décors inédits pour certains, et des inhumations de grande qualité, avec des dépôts de mobilier de très grande qualité qui les accompagnent. Au 6e siècle, on va construire sur ce premier niveau d'inhumation une galerie funéraire, qui vraisemblablement fonctionne avec l'organisation monastique et qui va vraisemblablement accueillir des moines, puisque les sarcophages associés à cette galerie funéraire possèdent effectivement des dépôts, des corps, des dépôts primaires, mais sans mobilier pour le coup. Yvan Lafarge, donc si je comprends bien, la basilique, elle est construite sur une sorte d'immense cimetière. Oui, comme toutes les grandes églises. C'est-à-dire qu'en fait, on a, et là on en a une très belle illustration, on a un fonctionnement quasiment cyclique de la terre consacrée. C'est-à-dire que la terre consacrée, c'est à la fois l'église et le cimetière. L'église est dans le cimetière appartient à l'église, donc le cimetière est dans l'église. Puisque vous avez l'occasion d'ouvrir une grande fouille, environ 450 mètres carrés, est-ce que vous avez les prémices de la basilique ? Qu'est-ce que vous avez sous la basilique ? Alors, sous la basilique, on a plein de morts. Ça, c'est la première des choses. Mais on a surtout, en fait, une chronologie un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'après les deux ou trois premières phases d'inhumation mérovingienne, où on commence à avoir des constructions, cette galerie funéraire, qui n'est probablement pas toute seule dans la campagne, s'installe autour, vraisemblablement, du 8e siècle, un bâtiment qui s'appuie sur la galerie funéraire, dont la fonction reste complètement hypothétique, mais un bâtiment qui a des murs assez imposants, hein, qui font pas loin d'un mètre de large pour certains, qui possèdent une canalisation pour l'écoulement de l'eau, et des sols en béton rose, qui sont tout à fait caractéristiques, si on en croit Crosby justement, de la construction carolingienne de Saint-Denis. Et voilà, ce bâtiment, on ne sait pas trop à quoi il sert. En tout cas, il vient s'intercaler entre le cimetière mérovingien et le cimetière médiéval, qui reprendra une fois que ce bâtiment sera vraisemblablement abandonné. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est que vous auriez une sorte de bâti carolingien daté du 8e, peut-être jusqu'au 10e, dont l'état de conservation est assez médiocre et qui serait recouvert ensuite par l'édifice qu'on connaît tous, donc créé en 1137. C'est ça. La question est de savoir ce qui se passe entre l'époque carolingienne et 1137. Au début du Moyen-Âge, après l'époque carolingienne, on va avoir une nouvelle phase d'inhumation. Mais il n'est pas dit que cette phase d'inhumation soit pas à l'intérieur elle-même d'un bâtiment. Lequel bâtiment ? On ne voit pas véritablement. Alors, on a deux hypothèses. Soit on avait un bâtiment en bois relativement léger qui n'a pas vraiment laissé de traces, soit, et c'est le plus probable, c'est un bâtiment qui a été repris dans sa volumétrie par le massif occidental. Et ce bâtiment, on en connaît quelques éléments vraiment négatifs parce que dans la fondation du massif occidental de Sugère, on retrouve des éléments lapidaires, des claveaux, des chapiteaux qui sont vraisemblablement liés à quelque chose qui a été ici avant. On voit la fouille donc juste en dessous de nous. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que bon, l'édifice visible a été nettoyé, mais d'un seul coup, c'est la blancheur immaculée donc des pilastres qui apparaissent à la fouille, c'est bien ça ? C'est ça, c'est une particularité de l'Île-de-France. Alors, sans aller jusqu'au blanc manteau d'église du XIe siècle de Raoul Blaber, on est quand même dans une région où on a une pierre d'une qualité exceptionnelle. On est dans les calcaires lutétiens. Et alors, fait très intéressant, c'est que la seule carrière nommément mentionnée par Sugère dans ses écrits, c'est carrière sur Seine, carrière Saint-Denis. Or, la construction du massif occidental, on n'a que de la pierre parisienne. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que tous ces éléments remployés dans la fondation de Sugère sont en pierre de carrière. De même que les sarcophages en pierre de la fin de la phase mérovingienne, début carolingienne. Alors dans l'angle là-bas, je vois des blocs très très bien taillés. C'est très beau, c'est du réemploi j'imagine. C'est des choses plus anciennes qui ont été réutilisées. Oui, c'est ça. Sauf qu'on a, alors on a plusieurs phases de réemploi, parce qu'on est dans une grande église où il y a eu beaucoup de travaux. Après, évidemment, tout ne s'est pas arrêté après la construction du massif occidental. On a évidemment la nef construite par Louis IX. Puis ensuite, on a différents travaux royaux, puisque l'église a gardé un statut royal jusqu'à la Révolution. Et notamment dans ces travaux royaux, on a la construction du buffet d'orgue. Le buffet d'orgue actuel date autour de 1811. Et il réutilise dans sa fondation des éléments plus anciens qui, eux, datent de la fin XVIIe et qui correspondent à l'entablement du buffet d'orgue de Louis XIV. Vous auriez aussi trouvé des déchets de taille, des poteaux pouvant éventuellement soutenir des échafaudages, donc une sorte de vie de chantier au cœur de la basilique. C'est ça, c'était à la fois la surprise et un petit peu l'interrogation qu'on a eue au début. C'est que sous les niveaux de remblai qui correspondent au rehaussement des sols, puis au sol du XIIe siècle, on a retrouvé l'ensemble des déchets de taille des 3 ans de chantier du massif occidental. Alors c'est très, très étonnant parce que le chantier est très court, il a duré que 3 ans, et il a produit, en fait, en son sein, il a produit une quantité assez importante finalement de déchets de taille. Quand on réfléchit, c'est finalement c'est logique, mais c'est toujours troublant quand on tombe dessus. On a l'habitude d'avoir une petite couche de poudre de pierre et puis fin du témoin de la construction. Là, on en a 60 cm d'épaisseur. 60 cm d'épaisseur dans quasiment l'intégralité de la surface ouverte à l'intérieur de l'église. Et au sein de ces 60 cm d'épaisseur de déchets de taille, on a retrouvé par endroits soit des traces d'ateliers avec des blocs disposés pour porter la pierre à tailler, soit des trous de poteaux qui en fait correspondent à l'échafaudage qui a permis de monter l'ensemble des murs. Donc on a une relation directe entre ces couches et ces murs. Donc 1137-1140, la basilique est recréée. On crée un élément capital du gothique. C'est ça, on est à la fondation d'une nouvelle architecture. C'est pas qu'on ne savait pas faire des voûtes d'ogives ou des choses comme ça, c'est qu'on n'en faisait pas un système. Et on commence à en faire système avec le massif occidental entre 1137 et 1140, mais on est encore dans une période de construction conceptuelle qui va être aboutie au chantier suivant sur le chevet entre 1140 et 1144. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand on est dans le massif occidental et qu'on repère certains défauts de conception, comme par exemple les voûtements des fenêtres et des travées intérieures qui sont à des hauteurs différentes. Donc, qui donne une impression un petit peu étrange de décalage. Quand on va dans le chevet, on est dans quelque chose qui est complètement fini, avec quelque chose qui est dessiné dès le départ et dont le dessin a été respecté. Alors, bien sûr, le grand architecte de Saint-Denis, c'est l'abbé Sugère. Passons sur la passerelle qui surplombe une partie des fouilles. Et ce que l'on voit, bien, c'est forcément très impressionnant. À savoir des individus dans les sarcophages. Oui, c'est ça. C'est le mode d'inhumation du haut Moyen-Âge, en particulier pour les inhumations un petit peu somptuaires. C'est effectivement l'utilisation du sarcophage. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Cyril Le Forestier, puisque vous êtes anthropologue, ces individus, qu'est-ce que l'on peut en dire? Ce sont probablement des privilégiés. Donc alors on peut commencer d'abord par dire en effet qu'on a des inhumations qui ne sont pas comme on a coutume de rencontrer en Île-de-France pour ces périodes-là. En Île-de-France, on a souvent des sépultures en sarcophage avec beaucoup d'individus à l'intérieur. On a un roulement assez important. Là, à Saint-Denis, chose exceptionnelle, on a souvent des tombes individuelles. Donc il n'y a pas des réouvertures de tombes. Et donc première impression en fait qu'on a en dégageant les os un par un, en fouillant chaque sépulture, c'est qu'on a principalement des hommes en fait. Hein, donc on peut voir avec les vestiges pelviens donc du bassin, en regardant précisément les formes osseuses, on peut être sûr qu'on a affaire à des hommes et qui sont plutôt en bonne santé. On a vu centaines en fait de sarcophages donc de l'époque mérovingienne et on a assez peu de maladies en fait d'observer sur les squelettes, alors que sur d'autres sites hein, comme Noisy-le-Grand ou Bondy par exemple ou même Saint-Germain-des-Prés, on a une paléopathologie qui est un peu plus forte où il y a plus de cas de problèmes en fait de locomotion chez les individus. On a plus une population en assez bonne santé et assez peu de femmes malgré tout et assez peu d'ossements d'enfants, même si on dit que les os d'enfants se conservent moins bien, on a toujours en fait un bruit de fond de sépultures antérieures, de sépultures avec les dents où on voit les immatures, des sépultures de 10 ans, 15 ans, là on a surtout des individus adultes en fait et de sexe masculin. Comment vous expliquez ça ? Alors peut-être qu'on a en effet justement une population privilégiée, puis donc qui a un statut à part, et donc sûrement des religieux hein, qui étaient déjà à l'époque de sexe masculin, et donc sûrement qu'on a affaire à pas mal de religieux enterrés dans toutes ces zones de la basilique qu'on a pu fouiller depuis le mois de juin. Alors ces sarcophages que l'on voit sont quand même assez bien rangés, ils sont mérovingiens ou carolingiens ? Alors là, devant nous, on a un peu de tout, en fait. Là, on a surtout la phase mérovingienne qui est donc bien représentée avec ces fameuses cuves en plâtre, hein, dont parlait Yvan tout à l'heure, avec une fabrication avec des moules internes, des moules externes. On va couler le plâtre dedans. On a plusieurs typologies, en fait, de fabrication, plusieurs formes de sarcophages, mais surtout trapézoïdaux. Et donc là, on est surtout sur la période mérovingienne, plusieurs phases d'inhumation. Et on a, pour finir devant nous, un sarcophage en pierre avec plusieurs éléments qui ont été assemblés pour former donc ce sarcophage plutôt de la fin de l'époque mérovingienne, début de l'époque carolingienne, donc avec un assemblage assez particulier, mais toujours cette fameuse forme trapézoïdale qu'on retrouve aussi pour les sépultures mérovingiennes. Qu'est-ce que contient ces sarcophages en général, hormis l'individu ? À l'époque mérovingienne, on est amené à trouver plein de choses dedans. Hein. Donc c'est surtout c'est la période de la sépulture habillée. Donc on va avoir du mobilier dans la tombe, du mobilier vestimentaire. Quand on fouille des nécropoles dans l'est de la France, on a énormément de mobilier du 5e au 7e siècle. Beaucoup de verreries, beaucoup de céramique, beaucoup de scramassacs, donc d'épées de l'époque. À Saint-Denis, encore une fois, on a quelque chose qui est assez différent du reste. On va avoir simplement l'individu à l'intérieur, hein, avec son squelette justement qu'on retrouve, et un peu de mobilier. Donc là, très peu par rapport à ce qu'on aurait dû trouver, ce qu'on aurait pu trouver. Donc ça revient justement à ces populations particulières, peut-être religieuses, qui a déjà abandonné le mobilier dans les tombes. Et donc, on a jusqu'à présent quelques spatules donc, à mettre dans les cheveux. On a un peu de boucle de ceinture. On a un peu de fil d'or au niveau de la tête d'un individu. On a de la verrerie, assez peu. Et du coup, donc, on a quand même assez peu de mobilier qui accompagne les gens dans la mort, alors que partout en Île-de-France, on retrouve quand même pas mal de mobilier dans les sépultures de la période. J'ai vu un très beau bijou, probablement en grenat ou en verre rouge. Il vient de la fouille. Il vient de la fouille, oui. Alors malheureusement, ce bijou, c'est un élément qui est assez exceptionnel parce que c'est une petite aigle. Sauf que contrairement à la tradition habituelle mérovingienne, elle est représentée de face, ce qui est tout à fait frappant. Et puis c'est donc un bijou qui est encloisonné avec grenat ou pâte de verre, probablement les deux d'ailleurs, qui est surcloisonné en or. Malheureusement, ce pendentif a été trouvé entre deux tombes et pas en place. C'est-à-dire qu'en gros, il était dans un remblai qui était donc une tombe au-dessus, une tombe en dessous, mais il était dans le remblai intermédiaire. Et donc, on ne peut pas dire qu'il appartient ni à l'un ni à l'autre. On sait que c'est par sa forme quelque chose de mérovingien, que c'est quelque chose d'inédit. Et malheureusement, on n'a personne à y associer. Et grenats qui viennent très probablement du Sri Lanka. C'est quand même aussi à préciser, et ce qui prouve bien sûr le commerce mérovingien. Cyril Le Forestier, combien de tombes vous avez déjà fouillé ? Donc là, pour l'instant, on en est à 210 sépultures. On en a à peu près 100, en fait, pour l'époque carolingienne. On a 110 sarcophages mérovingiens avec l'individu ou pas à l'intérieur. Donc on en est à 210 et on va finir la fouille peut-être à 215 au final. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a dans la basilique, mais on en a aussi quantité à l'extérieur. On a en fait un énorme cimetière, en fait. L'église qui marche avec ces tombes-là est bien plus loin. Donc la basilique, en effet, a absorbé ces tombes, mais il faut voir avant comme un énorme jardin funéraire, un énorme cimetière, où toutes ces tombes, en fait, seraient à l'extérieur de l'église et pas forcément à l'intérieur. On en a fouillé déjà beaucoup de tombes, donc, à Saint-Denis, de tombes mérovingiennes ou carolingiennes, médiévales. Je crois que depuis le début, on a environ à 2500 faits funéraires, sépultures primaires. Et si on devait compter tous les ossements qui sont dans les remblais des cimetières carolingiens et compter tout l'ensemble, on en serait sûrement à des milliers d'individus. Mais c'est qu'une partie, en fait, immergée de l'iceberg. Normalement, on devrait avoir pour ce genre de site, de situation, pour ce genre d'édifice, pendant plus d'un millénaire, on devrait avoir normalement des milliers de sépultures qui dépasseraient largement les 15 000, 20 000 tombes à minima dans tout le territoire. Donc sur le parvis, juste en face donc, de la basilique, cela doit être rempli de squelettes ? Donc voilà, donc aussi au niveau de la basilique, mais également plus loin, on a une fouille en ce moment avec l'INRAP et la ville de Saint-Denis, où on fouille la place Jean Jaurès, et donc même à ce niveau-là, on retrouve encore un peu de sépultures sûrement carolingiennes, donc on est à une bonne, oui, une grosse centaine de mètres de là, donc il faut imaginer l'ampleur du cimetière, en fait, qui doit être assez important aux époques altomédiévales. Alors bien sûr, donc, aux Mérovingiens, on se fait enterrer avec quelques objets, c'est plus du tout le cas, donc à la période carolingienne, à partir du 8e siècle, cela devient extrêmement austère. Alors justement, oui, la règle, en fait, assez rapidement, au 8e siècle, c'est de plus déposer des sépultures habillées dans la tombe, c'est de plus non plus inhumer ces gens dans les sarcophages. Donc, en général, en Île-de-France, le sarcophage sert un peu de caveau familial ou communautaire, on a plein de gens à l'intérieur. L'Église va interdire cette pratique un petit peu ancienne de l'inhumation à plusieurs et habillée. Elle va plutôt conseiller de faire un don à l'Église, et donc on va retrouver, dès le 8e siècle, et ça jusque tard dans l'histoire, des sépultures beaucoup plus minimalistes, sans contenant réellement, avec des sépultures qu'on appelle en pleine terre, avec des fois des linceuls en serrant. Et on va voir apparaître après, au Moyen-Âge classique, réellement des coffrages de bois, des cercueils, où on retrouve les clous. Mais donc on a vraiment une rupture en fait au 8e siècle entre l'inhumation habillée en sarcophage et l'inhumation plus minimaliste en fait, avec l'individu uniquement enserré dans un linceul. Vous avez aussi des tombes plus tardives du 11e siècle. Hein. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Vous avez dénommé ça les plates tombes, c'est curieux. Donc les plates-tombes, en fait, ce sont des pierres sculptées qu'on retrouve bien au-dessus des sépultures. En général, quand on a enlevé à grande peine les plates-tombes en fait du terrain, on retrouve l'individu à près d'un mètre en dessous. Donc du coup, c'est un premier indicateur hein, qu'il y a une sépulture en dessous. Et donc, une fois qu'on enlève la plate-tombe, il faut fouiller justement assez longtemps pour découvrir le corps qui est associé. En général, pour les deux, là, on a eu en fait des sépultures d'adultes masculins encore une fois. Viollet-le-Duc avait entrepris des fouilles. Donc ici, on sait ce qu'il avait trouvé. Alors, Viollet-le-Duc avait entrepris des fouilles, notamment au niveau du sanctuaire, puisque le projet impérial était de créer un caveau impérial au-dessus de la tombe que la tradition rapporte comme étant la tombe de Saint-Denis. Sauf qu'évidemment, tout le monde sait comment s'est terminé le Second Empire, donc le caveau impérial n'a pas été terminé, et voilà. De fait, quand il a percé pour créer le caveau, il a effectivement trouvé les murs mérovingiens, un certain nombre de sarcophages, des murs carolingiens également d'ailleurs, et il a fait les premières fouilles scientifiques, correspondant à la manière dont on faisait des fouilles scientifiques à l'époque, dans les années 1850. On va les déplacer un petit peu. On est à peu près quoi, 4 mètres de hauteur, non, c'est ça hein? Oui, à peu près à 4 mètres au-dessus des vestiges qui sont là au fond de la fouille. Donc de nouveau des sarcophages. Cette fois-ci, ils sont visiblement tous en plâtre, ils ne sont pas en pierre. Ils paraissent vraiment bien rangés. Il y a une véritable organisation, Cyril Le Forestier. Donc on retrouve en effet, comme à l'accoutumée, en fait, des sarcophages disposés en éventail, puisque du coup c'est des formes trapézoïdales. Donc forcément, quand on aligne deux trapèzes côte à côte, après il y a plusieurs, on va forcément avoir une forme d'éventail. Donc ils sont rangés par quartier funéraire. On a l'impression qu'après, justement, ce qui serait intéressant, c'est de travailler un peu sur l'ADN de ces gens-là, essayer de voir si on n'a pas des regroupements, quelque chose qui donnerait un peu sens en fait à ces tombes qui sont rapprochées. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va avoir, là, on a sous nos pieds en fait deux sarcophages qui sont disposés côte à côte avec les mêmes décors, donc les mêmes moules qui ont servi à faire les deux cuves en plâtre, et donc sûrement quelque chose d'assez proche dans le temps. Donc ce sera vraiment pertinent là de faire une vraie étude anthropologique d'abord osseuse pour voir ces individus, et ensuite de faire l'étude ADN pour voir justement le lien ou pas qui existe entre ces deux personnes-là. Vous me disiez que l'aspect pathologique n'était pas très très intéressant. Oui, en général, quand on fouille des cimetières du haut Moyen-Âge, on a l'habitude de voir beaucoup de pathologies assez remarquables. Hein. Quand on fouille des sépultures plus anciennes, gallo-romaines ou gauloises, on a beaucoup moins de traumatismes. Et quand on a accès aux ces cimetières un peu plus récents, là, on tombe sur beaucoup de pathologies. Pathologies des infections, des problèmes articulaires, des traumatismes, des maladies infectieuses. Et donc, du coup, en fait, je m'attendais à avoir une bonne collection de paléopathologies, hein, comme l'attend tout anthropologue, normalement, lors des fouilles en France. Et là, malheureusement, en fait, on n'a pas beaucoup de troubles. On a un cas de poliomyélite. On a également un cas d'hypercalcémie, donc en fait le corps avec un gros développement osseux, mais c'est quasiment tout. On a un cas de fracture de vertèbre, donc la fracture de tassement qui est plutôt liée à l'âge, mais il n'y a pas de pathologie vraiment sexy en fait, comme on peut retrouver ailleurs sur des chantiers franciliens en fait. Les décès sont liés à l'âge ? Donc voilà, donc en fait, oui, on a plutôt des individus qui présentent des marqueurs de sénescence, donc des problèmes dentaires, des problèmes d'arthrose, mais assez classiques, hein, qui sont plutôt bons signes quand on a l'arthrose. Ça implique justement qu'on est plutôt âgé, donc c'est bon signe pour eux. Hein, donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir de l'arthrose quand on fouille un squelette archéologique. Et donc, en effet, très peu de maladies, et donc plutôt liées à l'âge, en fait. Donc pas de population défavorisée, en fin de compte. Alors, ils sont tous rangés dans une sorte de pièce, enfin, du moins, c'est les sous-bassements. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a toujours des blocs en réemploi. Il y a visiblement pas mal de blocs qui seraient issus de d'autres, non pas édifices, mais d'autres monuments. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les sarcophages sont rangés dans des pièces, mais en fait, c'est tout simplement que les différentes travées de l'église du XIIe siècle se superpose à ces sarcophages et donne un effet de sectorisation. Mais les fondations, en fait, sont du XIIe siècle. Ce sont les fondations du massif occidental de Sugère, évidemment, et elles remploient. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas une découverte exceptionnelle au sens où c'est quelque chose qu'on savait déjà, puisque Viollet-le-Duc en 1847, puis Formigé dans les années 60, ont sorti de ces fondations déjà un certain nombre de chapiteaux. Et ben, on trouve la suite. Là, dans la fouille en cours, on trouve la suite de ces chapiteaux réutilisés dans la fondation du XIIe siècle. Ces chapiteaux que moi, personnellement, j'aurais tendance à dater pour certains de la deuxième moitié du XIe, qui vont jusqu'au début du XIIe siècle, présentent une forme d'homogénéité, c'est-à-dire qu'on a vraisemblablement affaire à un ensemble qui correspond à un seul bâtiment, sauf que ce bâtiment, on ne sait pas où il est. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, on a des chapiteaux de très belle qualité avec notamment des scènes historiées. On a une scène de joute, on a une scène qui représente Adam et Ève, on a plusieurs représentations de saints. Mais on ne sait pas s'il s'agit d'un édifice qui aurait précédé le massif occidental reconstruit par Sugère et qui aurait donc été transformé en fondation de son successeur. S'il s'agit de la chapelle qui se trouvait plutôt au sud de l'actuel massif occidental, mais qu'on n'a jamais vue, donc qu'on ne connaît pas, parce qu'elle est vaguement mentionnée par quelques sources autour du XIe siècle, mais sans aucune précision réelle. Voilà, alors on a le droit de rêver et s'imaginer qu'on avait différents édifices qui ont précédé la reconstruction de Sugère et que Sugère, enfin politique, ne les mentionne pas. Mais pour le moment, on n'en a aucune preuve. Yvan Lafarge, fouiller dans l'intérieur de la basilique de Saint-Denis, c'est une occasion unique. C'est une vraie chance. Complètement, oui. C'est évidemment. On dira ce qu'on voudra et on sait qu'il y a eu des polémiques liées à la question de la reconstruction de la flèche. Je me garderai bien personnellement de donner un avis. En revanche, lorsque s'est présentée la possibilité de ne serait-ce que participer à cette fouille, je ne me suis pas posé la question deux fois de suite. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Cédric Châtelus et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon, Joseph Julien et Pierre Chabert. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.